une fois de plus, si j'ose dire, le traitement du fonds vidéo 00 a permis à révéler, s'il en était besoin, la résistance au dépôt légal des vidéogrammes de la part du monde de la vidéo militante. Résistance au dépôt légal des vidéogrammes qui avait été menée collectivement et explicitement au sein du MAI, qui s'est traduit par des tracts et par des publications signées et émises collectivement et qui sont documentées, donc conservées au sein d'un riche dossier du fonds Vidéo 00. Mais en fait, depuis longtemps, nous avons été frappés par cette résistance qui existait à l'époque et dont nous ont parlé les acteurs de la vidéo militante, dont certains d'entre vous autour de cette table, quand nous avons repris contact avec eux, ou pris contact avec eux, pour sauvegarder leur bande 20, 30, 40 ans après leur réalisation. On est frappé aussi, néanmoins, corrélativement, je ne sais pas comment dire, par la précocité très étonnante de cette mesure, l'institution d'un dépôt légal des vidéogrammes dès le milieu des années 1970, alors qu'habituellement un temps plus important s'écoule entre l'émergence d'un nouveau média et l'institution en patrimoine digne d'entrer dans les collections nationales de ce même média. Donc il nous a paru essentiel, et on est très heureux d'avoir parmi nous Marie-France Calas, conservatrice des bibliothèques et qui a été directrice du département de la phonothèque et de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale, comme il s'appelait alors, si je ne me trompe. Aujourd'hui, c'est le département de l'audiovisuel de la BNF, donc. Marie-France Calas, qui a été donc en position de responsabilité pendant de nombreuses années, et notamment au moment de la mise en œuvre de ce fameux dépôt légal des vidéogrammes et plus largement des images animées. Donc, dans quelles circonstances le dépôt légal a-t-il été étendu aux vidéogrammes? Quelle motivation présidait à cette décision? Comment cela a-t-il été organisé à la Bibliothèque nationale? Avec quelles difficultés économiques, peut-être humaines, peut-être conceptuelles, je ne sais pas. C'est à ces questions-là qu'elle va entreprendre de répondre. Et voilà, la parole est à vous. Oui, merci. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce que vous l'avez dit, mais je voudrais préciser un peu les choses. Effectivement, ce département, quand il a été créé en 1977, j'en ai pris la direction, j'y suis restée 22 années. Ça veut dire, je ne pantouflais pas, mais le travail était, le travail était tellement, tout était à faire, le travail était tellement passionnant qu'on aurait pu rester d'ailleurs beaucoup plus longtemps et qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, c'est un temps long. Je suis partie en 1993 vers le musée de la musique, vers un autre chantier, mais voilà, je pense que c'est un temps long. Vous m'avez posé deux questions. Donc, comment la Bibliothèque nationale a-t-elle publié un texte concernant les vidéogrammes et le film cinématographique en 1975? C'est étonnant. Au fond, j'ai compris, est-ce que la Bibliothèque nationale a été novatrice ou pas en faisant ça? Vous m'avez posé une seconde question, qui était de savoir pourquoi, effectivement, les associations militantes, les vidéastes ou la vidéocréation, avaient quelques difficultés, dirons-nous, à déposer. Et bon, en tous les cas, la réponse, je pense, à cette deuxième question résulte un peu résulte directement de l'organisation du dépôt légal et des événements qui se sont produits. Dans une période, je suis contente de voir que dans les associations militantes de vidéo, il y avait des tensions, parce que les institutions ne sont pas non plus à l'abri des tensions quand elles sont même entre elles. Et il y en eut beaucoup. Alors, c'est Anna Caro m'a donné l'envie de faire un travail que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Mais maintenant, grâce à lui, j'ai commencé de regarder les archives, mes propres archives en plus, s'inscrit dans une et puis qui va aider à la mission archive de la Bibliothèque nationale de France, parce que par hasard il tombait juste la période, vous voyez qu'elle est longue quand même, enfin, il tombait sur la période dans laquelle j'avais été active, et ce travail est en cours. Donc C'est pour ça que s'il y a une trace, je tiens mon droit de retour sur l'information, parce qu'elle peut peut-être évoluer. Il me reste encore quelques archives à consulter, et l'idée, c'est de faire un texte sur les débuts du dépôt légal à la Bibliothèque nationale, mais concernant bien sûr la vidéo, mais également le cinéma et d'autres documents qui ont été rassemblés dans le département. Voilà. Alors, évidemment, on peut se poser la question, mais il faut quand même se replacer les événements dans le contexte général de l'époque en tenant compte des missions d'une bibliothèque nationale, qui n'ont pas d'ailleurs changé, et de sa capacité, justement, sa capacité à assimiler les progrès techniques de la communication. Ce n'est pas du tout par esprit novateur, mais une bibliothèque nationale a une triple mission. Qu'elle a toujours, qui est répétée encore aujourd'hui par le Code du patrimoine et qui est celle de la Bibliothèque nationale de France également, et qui est à la fois de collecter le dépôt légal, de le décrire, de l'annoncer dans le cadre d'une bibliographie nationale, enfin d'un catalogue national, et d'assurer la conservation des documents qu'il reçoit. C'est une mission fondamentale. Et la Bibliothèque nationale n'a pas l'a pleinement assumé cette mission. Elle l'a toujours assumée, comme je pense la Bibliothèque nationale de France qui a pris la continue. Or, ça dit, c'est, tout simplement, il s'est posé un problème à la Bibliothèque nationale. C'est que jusqu'à présent, les documents qu'elle recevait par dépôt légal étaient, on pouvait les lire simplement avec des yeux, avec une paire de lunettes. Les départements étaient organisés par support, c'était simple, c'était fonctionnel, il n'y avait pas trop de soucis. Et puis, sont arrivés dans les années 60 des outils où la nécessité d'un appareil de reproduction s'est imposée. Je pense aux microfilms qui reprenaient des textes. Et puis, de plus en plus, des éditions sur microfiche, des éditions originales, donc des micro-éditions. Et sont arrivés également, dans ces années 70, sont arrivés des objets bizarres. L'institution appelait ça des documents composites. On appelait ça des multimédias par la suite, qui ont eu une grande diffusion, qui s'est un peu calmée par la suite, est arrivé dans la mémoire de l'institution, quelque chose dont on a toujours parlé, qui a été le déclencheur un peu de réunion pour trouver des solutions. C'était la fameuse boîte qui avait été diffusée au moment des Jeux Olympiques de Mexico. Ne me demandez pas la date, je ne me souviens plus des dates. Mais dans cette boîte... Et dans cette boîte, il y avait des objets bizarres, tous identifiables, mais qui posaient un vrai problème dans une institution où le respect de l'objet édité est fondamental. Le dépôt légal, c'est le respect de l'objet édité tel qu'il se présente et tel qu'il est mis à disposition du public. Il y avait un foulard, il y avait un livre, il y avait la fameuse bouteille d'air. Je manque certainement des choses, mais c'est noté très consciencieusement par le département des imprimés et par nous-mêmes. Et évidemment, il s'est passé quelque chose qui a révolté l'institution, c'est que la volonté conservatoire a primé. Donc, on a envoyé le livre aux imprimés, le foulard aux estampes. Voilà. Mais il restait quand même des choses et il restait la boîte. Et ça, j'ai été accueillie par Pierre Peloux avec cet exemple. Il va bien. Donc, en partant de là, l'institution a décidé, du département des imprimés, qui était Madame Honoré, à cette époque-là, il y a eu une réunion importante avec Pierre Peloux, notre secrétaire général qui était Rest Kleindienst, et il fallait prendre des décisions. La première décision a été de dire, on va quand même réunir les documents qui nécessitent un appareil de lecture déjà. Et on a créé, on a demandé à Pierre Peloux de prendre la responsabilité du service des nouveaux supports. Tout vous dire, on a appelé ça les non-book materials après, peut-être, hein, Elisabeth. Parce que Elisabeth Giugani, j'ai eu la chance de l'accueillir dans le département en 76. Donc, elle a une mémoire peut-être meilleure que la mienne, mais voilà, sa présence ici, j'ai pensé que c'était important qu'elle soit présente. Et donc, cette intégration des nouveaux supports est passée donc par la création même d'un service particulier. Mais il y avait quelque chose qui était, il y avait une vision de l'institution qui ne s'arrêtait pas uniquement aux microformes. On savait quand même qu'il y avait d'autres documents. Et sans faire remonter le propos du dépôt légal à l'édit de Montpellier ou à François Ier, on sait que la loi de 1925 prévoyait le dépôt légal des œuvres phonographiques, enfin, elle ne les appelait pas comme ça d'ailleurs, et des films cinématographiques. Seulement, les décrets d'application n'ont jamais été publiés. C'était une façon de dire qu'on n'était pas trop... On n'était peut-être pas bien, mais enfin, les décrets ne sont pas venus. Et le célèbre article dans l'Intransigeant d'Apollinaire qui fustige une institution qui préfère recevoir tout ce qui est papier, tout ce qu'elle connaît, plutôt que de recevoir la pellicule elle-même. Il faut dire que la pellicule était réputée inflammable. Enfin, voilà. Il a fallu attendre donc la loi de 43 et son décret d'application de 43 pour qu'enfin on ait un texte qui permette de prendre des décrets d'application pour les autres supports. Alors on savait bien que la Bibliothèque nationale avait déjà pris en compte d'une façon un petit peu légère le dépôt légal des phonogrammes. En 1938 est créée une phonothèque nationale pour à la fois conserver, pour recevoir le dépôt légal par rapport à la loi de 25, mais les décrets d'application ne sont jamais venus, et également pour être l'héritière de ces archives de la parole, ce musée de la parole et du geste, qui ont précédé la création de la phonothèque nationale. Mais à cette époque, la Bibliothèque nationale considère qu'elle a une responsabilité, mais dans les textes, dans les commissions des séances du comité du dépôt légal, on trouve effectivement que la Bibliothèque nationale favorise la création de cette phonothèque nationale, qui est un établissement sans statut, créé au sein de l'Université de Paris, que la Bibliothèque nationale considère un peu comme son annexe, dans la mesure où elle va commencer à recevoir malgré tout ce qu'on appelle un dépôt légal. Donc, non seulement la Bibliothèque nationale avait fait déjà une première délégation de ses missions, elle l'avait confiée à la Phonothèque nationale, elle avait été aussi généreuse puisqu'elle avait accueilli l'institution et dans les locaux flambant neufs à l'époque, mais aussi encore aujourd'hui, du 2 rue Louvois. Il y avait sans doute quelque chose derrière ça, une vision peut-être. En tous les cas, le dépôt légal géré par la Phonothèque nationale s'est d'abord installé dans les locaux de la Bibliothèque nationale, mais même si la noble maison de la rue de Richelieu disait que c'était son annexe, elle ne s'en est pas beaucoup occupée et lui a donné assez peu de moyens pour vivre. Mais bon, elle était là. Ce qui veut dire qu'en fait, l'institution est cernée. Il y a les micro-éditions, il y a les microformes, il y a le son qu'on a quand même délégué à un moment donné, la notion même de production qui nécessite un appareil de lecture commence à devenir prépondérante. Il faut dire aussi que dans les années 70, il n'y a pas que la Bibliothèque nationale qui soit confrontée aux nouveaux supports, mais le cinéma intéresse énormément d'institutions internationales. L'UNESCO fait pas mal de ses réunions à Paris international, mais aussi à Belgrade sur la conservation des images en mouvement. On se préoccupe de la conservation dans les cinémathèques. Pas mal d'organismes comme le CICT, le Conseil international du cinéma et de la télévision, s'intéressent à la description de ces documents. Donc il y a tout un mouvement, une réflexion. Les choses ne sont pas venues brutalement, les choses sont venues petit à petit. Mais le problème devient de plus en plus crucial après la fameuse boîte de Mexico et à partir de ces microformes qui se multiplient et le dépôt légal des phonogrammes qu'on a oublié. Et pour traiter de façon cohérente les documents qui nécessitaient cet appareil de lecture, il se fait jour dans la pensée et notamment dans celle de l'administrateur général et de Thérèse Kleindienst qu'il était nécessaire de créer un nouveau département. qui recevra son, images animées, multimédia. Les microformes en feront partie au début. Très vite, d'ailleurs, ni Elisabeth ni moi ne nous souvenons comment elles ont disparu. Mais enfin, elles sont parties sans doute rejoindre un département beaucoup plus proche des imprimés, puisqu'elles ne sont certainement pas perdues. Mais c'est dans cet esprit, c'est dans cette vision que Pierre Peloux et Thérèse Kleindienst vont élaborer, bien sûr à la demande de l'administrateur général, vont élaborer les nouveaux décrets d'application et se préparer à organiser ce que va être ce département pour abriter des documents d'un nouveau genre et qui nécessite un appareil de lecture. Donc, dans un premier temps, la Bibliothèque nationale reprend la gestion du dépôt légal des phonogrammes qu'elle avait délégué. Elle la reprend en 1974. Elle va réfléchir à ce fameux décret d'application, donc d'application de la loi de 43 appliquée aux œuvres audiovisuelles. Enfin, ce que vous appelez communément et par commodité la vidéo, mais aussi les films cinématographiques. J'ai trouvé dans les archives, parce que comme c'est un texte qui a été très chahuté, parce qu'il pose d'énormes problèmes qu'on va évoquer, la responsabilité du texte n'était pas évidente. Je dois dire que moi, j'ai rejoint Pierre Peloux en 75, début 75, le texte était déjà largement préparé, donc je peux avoir... Moi, j'ai beaucoup collaboré à l'application, donc je sais que l'application n'était pas facile, mais c'était faisable, la preuve, beaucoup de dépôts ont pu être faits. Donc, il semble que ce soit Thérèse Kleindienst, secrétaire générale, Pierre Peloux et l'agent général de la régie du dépôt légal qui... ont préparé ce texte d'application, le décret, ce qui est un décret, le décret 75-696 du 30 juillet 75 et qui porte application de la loi du 21 juin 43 aux œuvres phonographiques et photographiques, les œuvres cinématographiques, autres que les films de long métrage de 35 mm et plus, les œuvres vidéographiques, les enregistrements sonores et les enregistrements d'images animées. Quel que soit le support matériel ou le procédé technique utilisé, mis publiquement en vente, en distribution ou en location cédée pour la reproduction ou diffusé sur le territoire français, sont soumis à la formalité du dépôt légal. Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles intégrées, dites multimédia, qui groupent divers supports et qui ne peuvent être dissociées pour leur mise en vente, en distribution, pour leur reproduction ou leur diffusion sur le territoire français. L'article 3 stipule que le dépôt incombe au producteur, à l'éditeur ou au diffuseur, chacun en un exemplaire. Les importations, donc producteur ou éditeur, un exemplaire, diffuseur, un exemplaire. Les importations sont également visées, mais pour ce qui concerne les vidéogrammes, un seul exemplaire est requis sur le tirage, si le tirage est inférieur à 300 exemplaires. Ce texte a souvent été perçu comme un calque des dispositions relatives à l'écrit, qui était évidemment la caractéristique de la loi de 1943. Mais je ne pense pas ce texte témoigne surtout d'initiatives qui ont avorté pour les uns et pas forcément de méconnaissance, mais de vouloir, de la part de la Bibliothèque nationale, être prudent. Alors, en même temps, en prenant un certain nombre d'initiatives. Par exemple, n'est visé que le film 16 Super 8, etc., et 16 mm. Or, c'est l'époque où, si vous vous en souvenez, les grandes salles ne sont plus du tout... Il y a une désaffection des grandes salles. Je crois que le Gaumont Palace est détruit dans ces eaux-là. Et on pense que le cinéma, ça va être des petites salles avec des projections en 16 mm. Alors, c'est pour ça que je l'écrirai quand j'aurai confirmé. Moi, j'ai toujours entendu Pierre Peloux me le dire. Maintenant, je l'interviewerai et vous le confirmerai. Mais je pense qu'il y avait de cette idée, on ne perd pas grand-chose si, le dépôt légal n'étant pas rétroactif, on ne perd pas grand-chose si on vise ce type de cinéma et en petit format, et puis on vise la vidéo. Bon. Par contre, il y a un terme dans ce décret qui a évidemment mis le feu aux poudres, c'est le terme de « diffuser ». Ce terme de « diffuser », pour le cinéma, pour la vidéo, pour la radio, la télévision, évidemment, ça ne veut pas dire du tout la même chose que dans le cadre d'un diffuseur d'importation. Alors, tout le monde dit c'est aberrant, c'est calé. Je ne suis pas sûre que c'est vraiment voulu être calé. 75, le décret, les textes a été préparé. L'année précédente, août 74, l'ORTF, c'est l'éclatement de l'ORTF en 7 sociétés. L'histoire, on a oublié les archives, comme l'a rappelé 20 fois Pierre Schaeffer, et on crée l'Institut national de l'audiovisuel en lui confiant toutes ces archives. Tout ça, ça se mettra en place très, très lentement parce que c'est loin d'être simple. Ce terme de diffusion, et ça reste encore à le réfléchir et à moi aussi faire mes propres enquêtes auprès de mes témoins, mais ça demande comme explication. Je suis pas sûre qu'il soit là uniquement comme ça par hasard. Ce décret, quand même, il est certain, a déclenché les hostilités. Donc, c'est-à-dire que c'est un décret Bibliothèque nationale qui a été accepté, bien sûr, puisque par le ministère de tutelle, mais il déclenche les hostilités. Même si la profession, vous m'avez posé la question, même si la profession de l'édition, enfin les éditeurs qui ont commencé à faire de l'audiovisuel et du multimédia croyant que ça allait être une rente de situation intéressante, notamment ceux qui sont regroupés au sein du GICA, Groupement Interprofessionnel de la Communication Audiovisuelle, ont intérêt à ce qu'il y ait un texte qui paraisse et on fait un certain nombre de pressions. En tous les cas, se sont manifestés pour qu'il y ait une application des textes du dépôt légal, application qu'ils contrôleraient, bon, ce qui n'a pas forcément, avec ce décret, et pas forcément le cas. Donc ce décret déclenche plusieurs hostilités. La première, c'est de la part du Centre national du cinéma qui souhaite... Ce qui est normal, chaque institution protège ceux pour lesquels il est fait. Le CNC est là pour réguler le cinéma et en particulier les producteurs. Il est certain que l'esprit même du dépôt légal, qui est le dépôt d'une copie, mais conforme, une copie neuve, conforme aux exigences d'une diffusion en salle, coûte cher. Deuxièmement, elle ne permet pas une conservation illimitée, et en même temps, si on doit faire un élément de reproduction, on doit reproduire une copie pour la consultation, c'est un budget qui est non négligeable. Ça pose d'autres questions qui ne se posent pas dans le cadre de la Bibliothèque nationale, mais qui vont se poser dans le cadre d'autres institutions. C'est que si on fait une copie, on ne peut pas la faire sans l'autorisation des ayants droit. La Bibliothèque nationale, jusqu'à 1992, avait une base philosophique, comme toutes les bibliothèques nationales. C'est évident qu'elle donnait en consultation les documents qu'elle conservait sans demander l'autorisation préalable aux différents ayants droit. Le statut d'un objet dépôt légal, je vous l'accorde, ça n'existe pas, il n'y a pas de statut particulier. Il n'empêche que la légitimité de l'institution, le fait que ce soit une consultation sur critères d'accès, n'a jamais fait de problème, il n'y a jamais eu de contestation jusqu'à l'émergence, à cette période, où là, parce que des institutions avec des statuts différents vont s'occuper de dépôt légal, là, le problème va se poser. Il a été résolu pour le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, il a été résolu aussi pour le rez-de-jardin. Mais pour le haut-de-jardin, bien sûr, il y a eu des négociations de droit, ce qui là est parfaitement, parfaitement légitime. Donc, en fait, le CNC souhaite qu'on revoie, qu'on fasse un nouveau décret qui recadre les choses en matière de cinéma, Et c'est le décret de 77 dans lequel on abroge le cinéma du décret, on expurge le dépôt légal du cinéma du décret de 75, qui ne garde plus que les éléments vidéographiques, et on refait un texte qui va même d'abord limiter le nombre de copies qui crée le dépôt légal, merci, et on va aussi laisser entendre que l'on peut maintenant déposer un négatif ou un internégatif le cas échéant. Alors ça, c'est un problème qui était complexe, qui s'est reposé lorsqu'on a voulu refaire une nouvelle mouture de tous ces décrets, et qui s'est reposé dans la loi de 92. Un élément, une matrice n'est absolument pas un élément de dépôt légal, il est la propriété des ayants droit, il ne peut pas être donné, cédé, ou alors il faut céder les droits, ce qui est absolument inimaginable, et on ne peut pas avec une matrice faire une bibliographie nationale, ni donner en consultation, parce que là les modèles. Donc, on a beaucoup, à cette époque, discuté sur un double dépôt, c'est le dépôt légal et un dépôt conservatoire qui a été peut-être fait, qui se fait dans les locaux de Bois d'Arcy, mais qui ne pouvait pas, en tous les cas, être mis dans une loi de dépôt légal. Et il y a eu, hein, très peu, mais il y a eu des dépôts de matrice dans le cadre de notre service du dépôt légal du film à Bois d'Arcy, qui ne peut pas être considéré comme un dépôt légal puisque la matrice sort quand il y a besoin d'éléments de tirage. Voilà. En tous les cas, autant le décret de 75, qui lui a été attaqué par l'INA qui venait de naître aussi, et que le décret de 77 qui est revu par le cinéma, par le CNC, la politique à cette époque du ministère a été de plaider sur une nouvelle délégation, puisqu'il y en avait déjà une pour le son auprès de la Phonothèque nationale, des conventions plutôt. Ce n'est pas des délégations à l'époque, c'est des conventions, puisque les textes de la Bibliothèque nationale font qu'elle est elle est la seule institution responsable du dépôt légal en France. Donc, il fallait passer des conventions qui ont été passées dans un premier temps dès 1976 avec l'INA, qui était Pierre-Emmanuel, qui était le premier président. Ensuite, il y a eu un deuxième protocole d'accord en 1977 tripartite avec la Bibliothèque nationale, l'INA et le CNC. Et au terme de ces conventions, un conservateur de la Bibliothèque nationale et à Nîmes, à la responsabilité du service du dépôt légal, à l'INA et au CNC. Voilà, donc en fait, excusez-moi, donc on arrive donc à cette situation-là qui est celle qu'ont connue un certain nombre de réalisateurs de vidéos militantes, qui va être effectivement de recevoir des courriers de la part d'un conservateur, d'une conservatrice de la Bibliothèque nationale, qui a un bureau, je ne sais pas comment on doit dire, l'INA ou à Bois d'Arcy, selon qu'il s'agit vidéos ou de films cinématographiques, leur rappelant finalement les termes d'un décret qui prévoit le dépôt dans les 48 heures avant diffusion d'une copie auprès de l'INA. Trois raisons pour lesquelles, en fait, le monde de la vidéo militante va s'insurger. Un, coût d'une copie. Deux, mise à dépôt 48 heures avant diffusion, alors que les circuits entre le tournage, la production et la diffusion peuvent être se faire dans des délais extrêmement courts. Et troisième chose, le fait que ce soit déposé à l'INA. L'INA, c'est à la fois l'héritier de l'ORTF, de la télévision d'État, c'est pas tout à fait du point de vue de tout le monde de la vidéo militante, si je ne trompe pas. Et voilà, non, mais c'est pour servir de support à l'enchaînement, reprendre effectivement cette. C'est à partir de ce moment-là, finalement, que les choses commencent à se mettre en place et engendrent la résistance. Excusez-moi, je vous laisse. Oui, donc, alors, oui, parce que l'Institut national donc, de l'audiovisuel, effectivement, comme vous l'avez dit, est détenteur des archives de l'ORTF. Il faut savoir qu'au début, la mise en place a été très difficile parce que les éditeurs eux-mêmes et les sociétés d'auteurs se sont groupés, ont fait un procès à l'INA, procès qu'ils ont gagné. L'INA a dû dédommager de façon importante, collective, les ayants droit. En plus, l'Institut est un établissement public à caractère industriel et commercial qui avait des cartes de producteurs dans plusieurs domaines et dont les missions dans le cahier des charges de l'INA, tout ça, ça se fait entre 74, 75, 76, 77, tout ça, ça se fait un peu au fur et à mesure. Dans son cahier des charges, une des missions de l'INA est de promouvoir l'utilisation des archives qu'elle détient dans ses propres magasins pour les intégrer dans de nouvelles productions. Alors, c'est quand même un peu compliqué de garder quelque chose qui demande la plus grande neutralité, qui ne vous appartient pas, près, à côté, dans les mêmes magasins que des collections qui vous appartiennent et qui peuvent être occupées. Il y a un autre élément, c'est que étant un EPIC, très légitimement, l'INA doit trouver des moyens de financement et la consultation n'est évidemment pas gratuite. Elle n'est pas gratuite pour les professionnels, elle n'est pas gratuite pour les chercheurs. J'ai noté qu'à l'époque, c'était une journée qui valait 5000 francs. C'est un problème. Pardon. Aujourd'hui, pareil. Oui, mais ça, je sens bien. C'est pour les auteurs, les professionnels, y compris. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et il y avait quand même un projet qui s'est quand même. Pour conserver, parce que l'INA a hérité des archives de l'ORTF, certes, mais il y avait tout le problème des télévisions et des radios régionales qui étaient souvent conservées localement. Donc, d'où l'idée de créer des vidéothèques régionales. Avec ou pas la complicité d'ailleurs d'archivistes qui des fois ont pensé que c'était peut-être bien, mais bon. Mais donc des vidéothèques régionales qui encourageaient localement à des dépôts volontaires ou à des dons, mais qui s'est trouvé très vite en concurrence avec le dépôt légal, puisque dans des productions qui auront pu être des productions commerciales faites par FR3, par exemple, mais commerciales, qui relevaient du dépôt légal, le service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale réclamait ce dépôt, mais l'INA disait « mais c'est déposé chez nous, on a les archives ». Et donc il y avait vraiment... Il y avait trop de problèmes entre une institution qui avait une mission déjà très très très importante, mais qui n'était pas tout à fait faite, en particulier sur le modèle d'une bibliothèque nationale, c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est normal quand on est un institut national de l'audiovisuel et qu'on est là, au contraire, pour faire vivre les archives et les exploiter. Alors, il s'est passé que le rapport Moineau, c'est en 80 ou 81, le rapport Moineau, il y a eu beaucoup de rapports. Hein, tout le monde a produit son rapport sur le cinéma, tout le monde avait des idées. C'est bien, ça montre qu'il y avait une vitalité extrêmement importante et au fond des débats, là il y a eu des débats. Et le rapport Moineau a, pour des raisons d'économie, a préconisé qu'au fond, l'INA puisse jouer le rôle du dépôt, en matière de dépôt légal, mais pour toute l'édition audiovisuelle, phonogramme, vidéogramme, multimédia, édité. Ça serait plus économique. Donc là, évidemment, nous avons réagi. Et comme le dépôt légal, en fait, non pas uniquement, peut-être grâce aux militants de la vidéo, le dépôt légal à l'INA ne fonctionnait pas très bien, nous avons eu toute légitimité pour, non pas dénoncer notre convention, la convention arrivait à terme, donc nous ne l'avons pas renouvelée. Donc en 82, La convention, la Bibliothèque nationale, a fait savoir qu'elle ne renouvelait pas sa convention avec l'INA et qu'elle reprenait donc la gestion du dépôt légal. Et c'est vrai que c'était quand même un handicap majeur parce que le conservateur qui était à l'INA, Michel Neuville, était quelqu'un de tout à fait efficace, qu'on voyait bien, qui a bien analysé la situation. Mais on a de cette époque retrouvé 550 vidéos, donc ce qui est quand même très très peu. Et l'année suivante, où le dépôt légal a été repris, sans être exhaustif et sans vos dépôts, on a accusé 1532 titres. Donc je veux dire, il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc c'est pas parce que la Bibliothèque nationale reprend son dépôt légal que tout va aller bien, parce que après il faut avoir des moyens. L'INA avait beaucoup plus de moyens que la bibliothèque nationale. Mais nous sommes aussi aidés par d'autres textes qui vont rappeler l'obligation du dépôt légal des vidéogrammes, notamment la loi de 80, le texte de 85 sur les droits voisins, la loi qui rappelle dans son article 55 l'obligation de dépôt légal pour les vidéogrammes. Et la loi 85-660 du 3 juillet 85 qui réclame aux droits d'auteur, aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, des entreprises de communication audiovisuelle, prévoit dans son article 55 que la communication indirecte au public sous forme de vidéogramme d'une œuvre audiovisuelle donne lieu à la formalité du dépôt légal du vidéogramme dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 43. Donc je crois qu'on peut dire qu'il y a eu une véritable volonté, pour répondre Alain à votre question, véritable volonté de la part de la Bibliothèque nationale et de son administrateur Georges Leridaire et de son administrateur, sa secrétaire générale Thérèse Claniste, d'intégrer tous les supports, les nouveaux supports, y compris les plus nouveaux, parce que c'était la mission fondamentale de l'institution. Si elle passait à côté de cette mission, il y avait carence, il n'y avait pas. Et ça, je crois que c'est important. Et l'enseignement, en tous les cas, de ces alliances, de ces protocoles d'accord et de l'expérience de l'INA avec l'INA, a montré en tous les cas que cette mission de dépôt légal, elle ne peut être exercée que par une institution neutre, avec un statut d'établissement public et administratif, comme l'est la Bibliothèque nationale, et qui crée une confiance qui est absolument indispensable au bon fonctionnement du dépôt. Parce que le dépôt légal, c'est bien sûr cette régie du dépôt légal avec un service au ministère de l'Intérieur et un service à la Bibliothèque nationale. Mais la réalité des choses, ce que je peux dire, c'est que, un, je n'ai jamais, moi, dans toute ma carrière, enfin, dans toute la période où je suis restée directeur de ce département, je n'ai jamais été sollicitée pour un quelconque contrôle. Je n'ai jamais vu l'aspect, cette démarche-là, elle existe. Ce contrôle, il existe, mais il existe ailleurs. Il n'existait pas dans le cadre de la régie du dépôt légal. Ça me paraît. Quel contrôle vous parlez ? Le contrôle policier. Oui, voilà, c'est ça. Pardon. Le contrôle policier. Puisqu'on a accusé la régie du dépôt légal, il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes où la régie du dépôt légal a été. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'un dépôt, même le dépôt légal, il n'est pas fait avec un bureau, des lettres et des circulaires qu'on envoie. Ça, je pense que Elisabeth peut le témoigner. Tous ceux qui ont travaillé ou collaboré dans ce département, et ça continue certainement, il faut absolument connaître le terrain. Il faut qu'il y ait une confiance entre ceux qui déposent et l'institution. Ça, je crois que c'est très important. Alors, je peux aborder maintenant, de mon point de vue, pour quelles raisons ce dépôt est mal perçu. Je pense que ça découle de tout ce que vient de dire. D'abord, ce dépôt légal, les textes, c'est vrai, visaient davantage la vidéo éditée. Ça, c'est incontestable. Et un test qui a été fait en 1990, par une collaboratrice, Eve Netchin, est venue faire un test pour mesurer un peu la couverture du dépôt légal en matière de vidéogrammes et montrer si effectivement l'exhaustivité du dépôt avait été faite et qu'est-ce qu'on retrouvait comme, que retrouvait-on comme grand domaine représenté. Je pense que cette période-là a été une période difficile et l'année qui a été trouvée, qui a été choisie pour le test, c'est-à-dire 1988, l'est encore davantage. Alors je vous dis tout de suite, en 88, il n'y a pas une vidéo militante qui a été déposée, pas de vidéo création, ce qui est quand même bon. Il y avait quand même c'est le hasard après tout des choix. Mais c'est vrai que l'enquête montre, l'étude montre que ce qui est très bien diffusé, déposé, ce sont les vidéocopies des films cinématographiques. Il y a un certain nombre, je pense qu'il y a des laboratoires du CNRS qui déposent très bien. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'institutions, comme la direction du Livre, qui avait pourtant développé une collection originale dont elle a les droits, qui est refusée de déposer. Le CNAP, le Centre national des arts plastiques, refusait de déposer. Je veux dire, il y avait beaucoup de carences, pardon. C'est absolument évident que la direction du Livre n'avait pas déposé. Elle n'avait pas les droits pour déposer. C'est elle qui gère un catalogue et qui le diffuse. Elle avait acquis les droits. Elle avait acquis les droits. Moi, quand je vendais les droits de diffusion, ouais. Oui, c'était pour eux. Je ne demandais pas, je ne faisais pas ça. Alors, il faut rappeler que le principe du dépôt légal ne suppose pas une cession de droit spécifiquement pour le dépôt légal de la part des ayants droit. Le dépôt légal est une obligation légale qui s'impose à l'éditeur sans qu'il y ait une cession. Le problème de ce dépôt légal, c'est un bon exemple. La direction du Livre, quand elle achète les droits d'un film, les droits d'un film, elle en fait une copie pour pouvoir la dupliquer Cette copie, elle est sur un support X. Mm-hmm. Mais jamais le support original de création. Pourquoi, par exemple, un film, si j'ai récupéré la copie 1 pouce de la direction du Livre il y a 10 ans d'un film que j'ai fait en 88, ce support 1 pouce est absolument illisible. Et donc, s'il avait fait l'objet d'un dépôt légal, je croirais aujourd'hui que mon film est déposé, conservé à la Bibliothèque nationale, alors que, en fait, ce qui serait conservé entre guillemets à la Bibliothèque nationale serait une bande 1 pouce complètement illisible. D'autre part, parce que le film à l'époque a été tourné en film, et donc en fait, effectivement, on peut pas penser, c'est-à-dire que bon. Ce que je veux dire, c'est là où je pense que le dépôt légal a beaucoup de problèmes. Non, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à mettre au point là, il y a beaucoup d'idées à éclaircir, je vais le faire. La première chose, c'est que ce qui fait l'objet du dépôt légal, c'est la forme qui est diffusée auprès du public. Donc après, on en pense ce qu'on en veut, ça a été beaucoup contesté. Mais pardon, mais quand un film est diffusé en VHS auprès des bibliothèques, c'était le cas pendant longtemps des films de la Direction des Livres et de la Lecture, c'est une VHS qui est déposée au titre du dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Ah mais oui. On a le droit de le contester, je l'entends, mais simplement, n'envisageons pas des hypothèses qui n'existent pas. Ça n'est pas le master qui doit faire l'objet d'un dépôt légal, c'est la copie diffusée auprès du public. Après, on peut en discuter. Et des copies éditées. Après, les réalisateurs peuvent déplorer qu'il en soit ainsi, et on peut le discuter, mais à mon avis, ça nous éloigne du sujet d'aujourd'hui. On en discutera, si pourquoi pas. Mais en tout état de cause, ce qui doit faire l'objet... Et aujourd'hui, la Direction du Livre et de la Lecture diffuse... Enfin, c'est plus la Direction du Livre et de la Lecture, la BPI a repris cette mission, diffuse des DVD ou des fichiers numériques. Ce sont ces DVD et ces fichiers numériques qui font l'objet, effectivement, d'un dépôt légal. Le dépôt légal, ça n'est pas la conservation de la... de l'œuvre. Si l'État, au titre du dépôt légal, avait la mission de conserver, ça a été dit tout à l'heure, de conserver les éléments intermédiaires permettant de retirer des copies, ce serait une mission différente de celle qui, telle qu'elle a été formulée par la loi. Ce qui est formulé, c'est autre chose. Après, la question de la conservation des œuvres dans leur forme princeps, on s'en préoccupe bien entendu. Bien sûr. À la Bibliothèque nationale, on en a assez parlé, mais ça n'est pas les termes du dépôt légal. Le terme du dépôt, le dépôt légal, sa fonction première, c'est de permettre aux chercheurs d'avoir accès à une copie rendant compte de la forme sous laquelle ça a été diffusé au public à un moment donné. Et avec une bibliographie, avec une bibliographie nationale qui fait état de toutes ces de ce qui est reçu au titre du dépôt légal, donc qui donne une diffusion aussi à ce dépôt légal. Mais juste, je voulais vous dire, je parle d'une période. Je ne sais pas ce que fait. Je viens d'avoir la réponse, la direction du livre aujourd'hui. Je vous parle d'une période entre 75 et 80 où il y avait de véritables éditions avec un emballage spécifique. Parce que les copies, évidemment, si vous faites une copie de copie de copie, ça n'a aucun intérêt. Le dépôt légal ne concerne que tout ce qui est mis à la disposition du public, ce qui est en sorte, quelque sorte, édité, si édité veut encore dire quelque chose aujourd'hui. Donc, je veux dire que c'est pas, faut pas se mépendre. Et la grande bataille qui a sévi, c'est justement entre ceux qui étaient les détenteurs du dépôt légal tel qu'il a toujours été, c'est-à-dire la copie multiple, ce qui est mis, ce que le public a entre les mains, même si neuf quand même, une copie neuve, et ceux qui voulaient le dépôt, qui n'est pas un dépôt légal, mais une conservation de l'œuvre. Donc à ce moment-là, on aurait eu d'ailleurs ce que disait le CNC à l'époque, c'est on a une œuvre, on a un film en 35 mm, conservons le master et tous les aimants internégatifs. On n'a plus besoin d'avoir le dépôt légal de la VHS, aujourd'hui du DVD, etc. Mais c'est la négation même du dépôt légal, puisque le dépôt légal, c'est ce qu'une société a à sa disposition à un moment donné. C'est les recherches qui sont faites aujourd'hui. Il est intéressant de savoir aussi, par exemple, ce que la direction du livre, à un moment donné, a diffusé sous une forme originale, je parle de la forme originale, à un public. Je veux dire que les recherches le font là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de... La copie, comme ce que vous évoquez, ça n'a jamais pu être du dépôt légal. Si vous faites une copie à titre privé, et même en un exemplaire, elle n'était pas à déposer. Alors, si vous disiez que c'était en un exemplaire, il n'y avait pas. Ce que je veux dire sur ce fond vidéo tel qu'il a été examiné pour l'année 88, qui montre ses carences, bien sûr, et qui montre que la vidéo qui tient à la publicité, aux films d'entreprise, est en plus grand nombre, évidemment, que la vidéo dont on parle ici ce soir. En revanche, la rédactrice de l'étude disait qu'avec ces 9000 documents versés au titre du dépôt légal, en 90, elle concluait que le département détenait la plus importante collection de France à l'époque. Donc, du point de vue numérique, il n'empêche qu'elle avait beaucoup de manques. La vidéocréation, la vidéo militante, pour moi exige justement ce que je disais tout à l'heure, une prospection fine et suivie. Cela est fait pour le film à la même époque, avec des résultats très probants. C'est fait pour le son. Et je pense que c'est ce qui a manqué à cette époque. Il n'y a pas eu d'interlocuteur, vraisemblablement, on est tous responsables. C'était une époque où la Bibliothèque nationale n'avait pas forcément, n'a pas répondu à nos demandes il y a eu deux choses. Pour développer le service vidéo, parce qu'il faut du personnel et ça, et puis d'avoir peut-être à cette époque-là les personnes qui avaient une sensibilité aussi par rapport. Le travail était bien fait sur tout ce qui rentrait beaucoup plus facilement, mais ce travail fin, et je maintiens que le dépôt légal exige un fin, n'a pas été fait. Je ne sais pas, ça n'aurait pas changé la face du monde, mais c'est quand même il faut chercher des raisons, et je pense que c'est là. Mais je voulais dire que la vidéocréation et je me suis un peu penchée dans les archives et j'ai vu qu'à l'époque, quand même, tout le monde n'était pas d'accord. J'ai retrouvé que Jean-Jacques Henry, l'un des animateurs de la Maison de la Culture de Grenoble, lui voyait dans le dépôt légal une aide importante à faire connaître les œuvres. C'était un moyen de sauvegarde, dit-il, des œuvres inédites et de la destruction et de l'oubli. C'est vrai, je vais être honnête. D'autres voient, prioritairement dans l'existence de la régie du dépôt légal un moyen de contrôle policier. Mais je crois qu'il confondait beaucoup le registre des films du CNC et le visa de contrôle avec la régie qui n'aurait jamais dû faire peur à qui que ce soit vu l'état dans lequel elle était. Juste une question, cette archive-là que vous avez, vous savez d'où elle vient? Oui, d'un article. Attaque Information, c'est ça? Vous savez? Non, je ne crois pas, je lis de rien. Mais de toute façon, comme je dois l'écrire, je me dis référence. D'accord. Mais je ne me fais